Alors, bonjour, Montréalais, Montréalaise. Ici, donc, François pour CQUT. C'est pour moi un grand plaisir d'interviewer Pascal qui est avec moi. Donc, Pascal des éditions Rodrigole et aussi chanteur des Amis du Gradationniste. Bonjour, Pascal. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Donc, aujourd'hui, on est au Salon du livre anarchiste. D'ailleurs, on invite les gens à venir et à participer. Bon, aujourd'hui et demain, en plus, c'est la première année que ça se tient sur deux jours. Là. C'est excellent. Et puis, toi, tu es là pour représenter les éditions Rodrigole. Donc, parlons-en un peu. Tu as une table. Qu'est-ce qu'on retrouve, là? Justement, qu'est-ce que c'est les éditions Rodrigole, premièrement? Bien, c'est une petite maison d'édition indépendante. On a été formé en 2003. On a été fondé en 2003. Puis, on est rendu à plus qu'une quinzaine de titres de parus. On fait essentiellement de la poésie, du roman, de la nouvelle, du récit. Puis, on est ouvert à plein de projets, on va dire. Fait que donc, on oscille là-dedans, puis on est entièrement autofinancé et autodistribué dans les librairies indépendantes et les trucs à Montréal ou à Québec et puis dans des quelques centres d'artistes. Là. Et là, on s'entend, c'est pas simplement de la littérature anarchiste. Non, c'est de la littérature engagée. Nous, on dit que c'est... On a notre charge poétique, on cherche dans le fond le travail des textes, la charge première des textes et tout. Puis je pense que c'est si on est ici dans le fond depuis quelques années, c'est le côté surtout auto-financement et complètement indépendant. On travaille avec des matériaux recyclés aussi pour ce qui est des choix des papiers, des cartons pour nos ouvrages. On essaie de faire des est-ce que des livres-objets, finalement? Des petites pièces d'œuvres d'art uniques. Oui, c'est ça. Tant qu'à imprimer des livres, aujourd'hui, il faut essayer de considérer justement le fait qu'il y a énormément de gaspillage dans le papier puis essayer d'imprimer des choses qui soient jolies, au moins. Et donc, les éditions Rodrigole, qu'est-ce que vous avez sorti de nouveau, là, justement? C'est quoi vos nouveautés? Dans la dernière année, on a fait publier quatre titres. Ça veut dire, il y a eu « Chérie » d'Alexandre Laferrière. C'est un court roman sur une espèce de rupture amoureuse, super intéressant, avec une oscillation très à la fois tendre et violente entre l'homme et la femme et comment que la rupture se produit. On a réédité, à vrai dire, un livre qui avait été pilonné en 99, qui était paru chez un autre éditeur pour Mévente, qui s'appelle « L'angle atroce » de Stéphane Surprenant. C'est un long poème de près 140 pages qui détruit tout. Qui détruit tout sur son passage. Il c'est, la société, quoi? Les... Société, l'homme, le poète, c'est un poème vain, à vrai dire. Il y avait une optique, justement, atroce dans ce texte-là. Et le poète, après ça, ne peut plus faire de poésie, à la limite. Mais c'est une charge qu'on compte tout. Puis ce qui est bien, c'est qu'avec cette réédition-là, l'auteur a recorrigé certaines petites... lourdeur ou du truc du genre. Donc, on a fait une version améliorée, si on veut. Un peu moins lourde, un peu moins dure. Bien, pas nécessairement moins dure, mais il a clarifié des images poétiques qui étaient peut-être un peu floues à l'époque. Et puis, il a fait suivre ça d'un court essai, un micro-essai sur la poésie québécoise qui... Qui détruit la poésie québécoise. Qui s'appelle « Quitter la table » et qui en dit long sur la conception poétique de l'homme, finalement. Puis après ça, on a fait paraître « Je suis Sébastien Chevalier ». C'est une espèce de recueil de nouvelles qui s'assemblent et qui s'imbriquent un peu les unes les autres. Puis ça tourne autour de la paranoïa, de la quête d'identité. Et puis c'est à la fois complètement cancre et humoristique et à la fois... tellement bien écrit et bien amené que ça tourne vraiment autour de la névrose. Et puis, puis moi, ben, pour faire patienter les gens qui attendent en vain l'album des Amis du Gradationniste, j'ai fait paraître un ensemble des textes assemblés en poésie qui vient juste de sortir là, au mois de... Des textes, des chansons? Non, c'est pas des textes de chansons, c'est un autre type de construction poétique, mais qui pourrait s'affilier au premier album des Abdi avec... On sent l'inspiration des Abdi. Oui, c'est ça. Travail des mots, juxtaposition et tout, puis faire des trucs bien sonores, finalement, qui pourraient être performés sur scène, mais pas avec les Abdi, mais que j'essaie de rendre sur scène en faisant des... ça donne des poèmes à la « Ciao, bye, grosse torche, je flambe direct comme une grosse Porsche » ou des trucs du genre. C'est peut-être le plus court, d'ailleurs. Et là, chez les auteurs des éditions Rodrigole, est-ce qu'il y a une proximité idéologique ou politique ou c'est tous azimuts? Je te dirais que, ben écoute, il doit sûrement y avoir une lourde tendance vers la gauche. mais c'est subversif, en tout cas. Ben, l'idée là-dedans, c'est que nous, dans le fond, ce qu'on revendique, c'est une autonomie de pensée. Puis je pense qu'on essaie, à partir de ce moment-là, justement, on ne s'est pas aligné ou catalogué dans une direction précise, mais je pense que justement la multitude, le foisonnement permet justement de comprendre, d'apporter de la profondeur à l'ensemble de la maison, tu sais. Puis de plus en plus, justement, on a des gens qui viennent nous voir dans les différentes foires qu'on fait et qui nous disent « Ah, ben j'ai lu ça, tu veux-tu me conseiller quelque chose d'autre? » Donc, c'est le choix d'éditeurs qui veulent avoir par rapport à... T'sais, parce que, tu sais, quand t'as affaire à des auteurs que tu connais pas, des nouveaux auteurs et tout, ben t'as besoin d'un référentiel de cette manière. Puis là, ben c'est le fun parce qu'ils commencent à faire confiance à nos choix éditoriaux. Ça veut dire, qu'est-ce que vous faites? C'est du bon stock. Ben on espère. Donc, les éditions Redrigol, si les gens veulent venir voir ça, il y a une table au Salon du livre anarchiste. Et au marché de la poésie de Montréal, en plus, au métro Montréal, en fin de semaine. Est-ce que vous avez aussi un magasin... comme un local ou... Non, on a des bureaux en maison, mais sinon, on est dans les librairies indépendantes et à Québec et à Montréal, dans toutes les librairies, les bonnes librairies de quartier. Vous pourrez trouver ça. Puis sinon, Pascal, c'est aussi les anti-gradationnistes, donc pour décrire sommairement aux gens qui ne connaîtraient pas ce groupe extraordinaire. Donc, on parle de costumes stretch colorés, des costumes extrêmement décadents, des textes extrêmement décapants aussi. Donc, on pourrait dire que ça aborde des thèmes comme la violence, le sexe, des comme tu disais tout à l'heure, des paroles qui vont avoir des mots qui vont s'entrechoquer pour donner un certain son. Exactement. Donc, Les Abdis, c'est pas mort. Ça fait combien d'années, le dernier album? Le dernier album, c'est 2004. Et puis, vous travaillez sur quelque chose de nouveau, là. Oui, c'est ça. Notre gérant nous a dit dire pendant des années qu'on était en studio, mais là, c'est vrai. C'était toute la bullshit. On n'a pas de gérant, on va dire. Mais non, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'à un moment donné, on finissait par plus y croire qu'on a nous-mêmes, on allait faire ça. Puis, bon, on a d'autres projets, tu sais. Mais finalement, on s'y est remis. Puis, écoute, on est comme des enfants à l'école, là. C'est quand même... On peut faire des mauvais coups, tu sais. Fait que non, j'aligne ça pour l'automne, on va dire. C'est ça le but, là, tu sais. Puis là, est-ce que ça va être la même chose qu'on est habitué? Donc, des textes extrêmement acidifs, acidulés. On essaie tout le temps de faire des espèces d'albums un peu à concept, soit au niveau graphique et au niveau scénique. Fait que là, le dernier album étant Puissance Édouard, qui avait été un album à conception pop, si on veut, avec des chorégraphies, bon, puis tout ça, le Bataclan, finalement, sur scène. Et sur l'album. Quelque chose d'assez impressionnant d'ailleurs. Où là, on essaie de faire. On va essayer de. Là, c'est un espèce de. Comment je pourrais dire? Un opus pour les dames. Donc, on a choisi plein de noms de femmes et de filles. Et puis, selon chaque type de nom, chaque type de fille, finalement, chaque personnalité féminine, on a développé une chanson à propos de ça. Fait que donc, ça part vraiment dans plein de directions, ce qui revient un peu à notre base, tu sais, très hétéroclite, ce qui est vraiment le fun. Puis aussi, ça va être encore très trash, j'imagine. Bah, à peine. On se garde une petite gêne. Parce qu'on rappelle que tu abordais des questions comme le viol, la nécrophilie. La nécrophilie, oui, c'est ça. mais dans le fond, c'est le but des Abdis, c'est de revendiquer un espace scénique entièrement libre. Fait que donc, malgré l'horreur et que mes enfants essayent d'apprendre mes chansons... Hein? C'est vrai? Ben, en tout cas, ils connaissent mon thé chinois. Oh boy, OK. Mais c'est correct. Mais je pense que, justement, il faut revendiquer cet espace-là. Puis quand on a un espace micro, justement, ben c'est bien de l'utiliser, pas juste à des fins. Je pense que l'engagement peut être multiple. Il peut être multiple aussi. Il peut générer dans l'imaginaire en faisant des trucs comme ça, justement, complètement artistiques et pas nécessairement socialement engagés. OK. Puis là, donc, tu dis justement qu'à chaque fois, vous faites un thème différent. Est-ce que cette fois-ci, si vous abordiez le pop avant, maintenant, ça va être quoi? Ça va être le métal, le punk? Je sais pas. Mais là, justement, on retrouve... vu qu'on y va avec des filles, chaque fille représente... Je sais pas, une peut avoir un truc plus hip-hop, puis l'autre peut avoir un truc... Donc, ça va être varié. Une bossa ou un truc genre... Oui, comme les autres. Comme les femmes de ce monde. Puis comme les autres albums, exactement. Très varié, oui, c'est ça, exactement. Mais là, puis on regagne tout le côté live aussi, avec donc en spectacle, ça va être vraiment C'est ça, là, on a recommencé, on a fait une apparition, on a fait une toune dans un show, puis ça a été comme... yes, c'est ça, faire des shows, là. Puis là, Pascal Desabdis, la dernière fois que je vous ai vu, c'était à Québec. Vous aviez... il y avait une canicule, il faisait extrêmement chaud. Et là, vous aviez fait le show entier avec un manteau de fourrure sur le corps. Bien, c'était notre thérapeute qui nous avait conseillé maigrir de s'habiller chaudement. Donc, vous avez conservé peut-être les costumes abracadabrants? Oui, ça, c'est clair. Je suis en train de revamper notre garde-robe, là, justement. Pour faire une sélection de choix, après tout. Puis là, tu parlais, vous allez avoir, dans le fond, chaque pièce va être consacrée à un nom de femme. Oui, oui. Et là, quels sont ces noms-là? Ah, ben là, écoute, il y a une multitude. Est-ce qu'il y a Gisèle? Il n'y a pas de Gisèle encore. Non. Mais il y a Karine, il y a Nadine, il y a Marie-Hélène, il y a Camille. Qu'est-ce qui t'inspire, Karine? Ah, Karine, c'est une espèce de en tout cas, ouais, ma foi du bon Dieu. Qu'est-ce qu'elle me disait, donc, Karine? Ah, c'est un peu une fille audacieuse, je dirais. Puis c'est une espèce de texte un peu à la Nine Inch Nails. La musique est un peu à la Nine Inch Nails. Quelque chose d'assez animal. Ah oui, fuck me, la canne animal. Oui, c'est ça, exactement. Camille? Faut savoir faire des clins d'œil. Camille, c'est une fille de hip-hop. Définitivement, okay. Là. Et Marie-Hélène, c'est la tendre fille qui a été froissée par une maladresse de son amoureux, à la limite. La maladresse étant qu'il l'a appelé le nom de sa meilleure amie. Des trucs du genre. J'essaie de jouer avec d'autres niveaux de malaise et d'imperfection. Toujours dans le malaise et l'imperfection, donc on serait pas trop dépaysé. Non, c'est bon. Les Abdus Gradationnistes, donc un prochain album, vous travaillez fort là-dessus, ça s'en vient pour? Pour l'automne, là, c'est sûr. Premier juré. Oh, premier juré. On va faire un beau vinyle. Un beau vinyle à prendre ça. Oui, oui. Ah, écoute, on va avoir tout. Donc vous êtes tendance, vous êtes dans la mode. Là. Ben c'est ça. Puis 12 pouces carrés pour faire une belle image. Là, ça, on va être bien heureux de ça. All right. Donc, merci beaucoup, Pascal. Ben, merci beaucoup. Donc, on surveille ça cet automne, les Abdus Gradationnistes. Et aussi, on surveille ça aussi, les éditions Redrigol. Et si vous voulez venir voir ça, le Salon du Livre Anarchiste en ce moment même. De 10h à 5h aujourd'hui et demain aussi. As-tu l'adresse? Oui, 2515 de Lille, métro Lionel Groulx. C'est au CEDA. Malgré le droit, contre toute injustice, ils ont dressé le sinistre échafaud. Elle est debout, la sanglante machine, et l'on attend que la main des bourreaux vienne trancher la sublime existence du compagnon que nous pleurons tout bas. Le ravachol qui souriant d'avance en les narguant gaiement va au trépas. La souvenance, il est tombé martyr de nos idées. Le jour viendra, nous avons l'espérance. Oui, Ravachol, nous saurons te venger. Oui, Ravachol, nous saurons te venger. Ils étaient là pour accomplir leurs crimes, les descendants des bandits versaillais, pâles et tremblants, à la face jolie, à Montbrison comme étant leur forfait. Je te salue, ô compagnon sublime, qui fit trembler les tyrans aux abois. Ton souvenir reste dans nos poitrines, ton nom gravé en lettres de combat. De Montbrison, gardons la souvenance, il est tombé martyr de nos idées. Le jour viendra, nous avons l'espérance. Oui, Ravachol, nous saurons te venger. Oui, Ravachol, nous saurons te venger. fasse surgir devant leurs yeux son spectre. En l'évoquant, nous serrerons nos rangs. Brisons partout leur pouvoir despotique. Les assassins par nous seront reliés. À l'avenir, nous prendrons pour devise vivre à Vachol et vive l'anarchie. De mon brison, gardons la souvenance. Il est tombé, martyr de nos idées. Le jour viendra, nous avons l'espérance. Oui, Ravachol, nous saurons te venger. Oui, Ravachol, nous saurons te venger.